La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. Au XVIIIe siècle, on qualifiait ce métier d'inventeur de plantes et pourtant le travail du botaniste, c'est lui dont il s'agit, est plutôt de reconnaître l'originalité dans le catalogue des êtres vivants que la nature offre justement à l'observateur. Le botaniste est un découvreur qui peut décrire des plantes cachées depuis des lustres dans les pages d'un herbier. Et Marc Janson est agronome et botaniste et il dirige depuis donc 6 ans l'herbier du Muséum National d'Histoire Naturelle à Paris. C'est le plus grand herbier du monde, un trésor unique qui abrite des millions de spécimens de plantes, de fruits, de graines, de gommes, d'encens et d'alcool. Il publie chez Grasset avec la journaliste Charlotte Fauve, botaniste, un livre qui raconte son métier, les raretés comme la couronne de fleurs de Ramsès II et comment des milliers de nouvelles espèces sont échantillonnées dans une course contre la montre avant qu'elles ne disparaissent totalement. Marc Janson, Charlotte Fauve sont mes invités dans un instant et vous pouvez bien sûr leur poser toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé la TAC. Héloïse Rambert, bonjour. Bonjour Mathieu. À la une de la science aujourd'hui, on parle de la rougeole qui continue de sévir un peu partout dans le monde. Et oui Mathieu, la maladie était la une des journaux cette semaine parce qu'elle fait un retour tonitruant aux États-Unis. Mais on va voir que la situation n'est pas vraiment meilleure en France. On en parle tout de suite. Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons la chronique de santé polémique du docteur Dupagne consacrée aujourd'hui à la crise de la reproductibilité. Claire Destacan réalise cette émission préparée par Chantal Le Montagnier. La tête au carré. Magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Botaniste, c'est donc un métier, mais c'est un livre qui paraît donc chez Grasset. On en parle aujourd'hui avec ses deux auteurs, Marc Janson et Charlotte Fauve. Bonjour à vous deux. Bonjour Mathieu Vidard. Et bienvenue. Marc Janson, vous êtes donc à la tête de cet herbier du Muséum National d'Histoire Naturelle. Vous veillez donc sur une incroyable biodiversité, un Absolument. Véritable trésor national. Même si vous calmez tout de suite les rêveurs lecteurs en précisant que votre métier au quotidien, c'est de nager dans la paperasse. Oui, il n'y a pas que le métier de botaniste. Je crois qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez partagé, puisque nous sommes des fonctionnaires au service de la nation. C'est une collection nationale. Mmh. Et ça implique des réglementations de par la nature même du fonctionnement de la recherche publique. Et ça implique aussi beaucoup de formalités, puisque l'accès à la biodiversité aujourd'hui sur le terrain est de plus en plus contrainte. Et que ça se traduit par quantité de procédures et de documents à mettre au point. Ouais, donc vous êtes beaucoup derrière votre ordinateur, Absolument. Mais vous êtes aussi les mains dans le végétal ou pas alors ? Mais c'est la réalité du métier de botaniste aujourd'hui, qui implique évidemment de continuer à aller sur le terrain pour échantillonner, pour collecter et pour documenter. Mais être botaniste, ça n'est pas qu'être sur le terrain, c'est aussi analyser, c'est aussi extraire de l'ADN, c'est aussi ouais. comprendre l'évolution des plantes, et tout ça, ça implique d'avoir accès à des collections, c'est-à-dire évidemment des grands centres urbains, des grands centres de recherche, et d'avoir accès à des laboratoires. Est-ce que vous avez des traces des tropiques sur la peau ? Oui. Lesquels ? Bah ici, par exemple, une petite, sur le visage, petite cicatrice d'une araignée qui m'a attrapé sur les îles Ryukyu, l'extrême sud du Japon. Ouais, c'est un métier dangereux quand même aussi. Hein. Vous décrivez en tout cas vos aventures dans bon nombre de pays, et c'est vrai que parfois c'est assez saisissant quand même. Oui, alors aujourd'hui quand même, le monde a beaucoup changé. Il était excessivement dangereux et risqué au XVIIIe siècle, à l'image de Pierre Poivre ou de tant d'autres, de partir sur les mers qui étaient des endroits pas très sécures comparés à ce que l'on peut connaître aujourd'hui. Donc je n'irai pas jusqu'à dire que c'est un métier très risqué, mais les risques sont inhérents au fait que, comme nous étudions la biodiversité sauvage, il faut se rendre dans les endroits où il reste un petit peu de ce sauvage. Mmh. Et effectivement, ça implique parfois de rencontrer des animaux peut-être moins sympathiques que les plantes. Charlotte Fauve, vous êtes ingénieur paysagiste et journaliste. Est-ce qu'il vous a embarqué dans ces aventures pour préparer le livre, Marc Janson, ou pas du tout ? Il m'a surtout embarqué dans l'herbier, ce qui est une aventure c'est déjà en une soi. Aventure, c'est vrai. Et c'est un privilège aussi. Et c'est un privilège, mais c'est vraiment une collection vertigineuse, parce que 8 millions de spécimens, comme vous l'avez dit. Bah, Ouais. Exactement. 350 ans d'histoire, voire plus, des continents en mélange. Et effectivement, donc c'est une incroyable bibliothèque du vivant, mais aussi une bibliothèque des aventures, des collecteurs. C'est ça. Et donc, du coup, il a fallu raconter cette histoire et effectivement trouver une façon de l'écrire qui soit à la fois représentatif de cet herbier, donc qui est absolument, encore une fois, vertigineux, et en même temps, qui puisse être un récit d'aventure. Ouais, voilà. C'est ça qui est intéressant, d'ailleurs, dans le livre, c'est qu'il y a plusieurs éclairages et plusieurs problématiques, au fond. D'abord, l'histoire, qui est absolument passionnante, avec effectivement tous ces découvreurs, et on va en parler, évidemment. Et puis aujourd'hui, aussi, l'enjeu très présent de la biodiversité, hein, et l'herbier joue tous ces rôles-là à la fois. Exactement, en fait, c'est vraiment un enchevêtrement de problématiques, et puis c'est aussi la quête du vivant, et aussi l'extinction du vivant, et une vision du monde, parce que tous ces botanistes, ces collecteurs plus ou moins connus, sont l'image de la relation entre l'homme et la nature qui a énormément changé. Donc, qu'est-ce que la vision du monde à l'époque de l'ADN, à l'époque de la sexualité des plantes et à l'époque aujourd'hui de l'extinction du vivant? On va en parler ensemble dans un instant, puisque vous êtes tous les deux nos invités et il y a déjà des questions pour vous au standard de la tête au carré. Vous y répondrez, franceinter.fr. À tout de suite. La station de Val Thorens, touchée par une épidémie de rougeole. Depuis fin janvier, 47 cas ont été recensés. Les vaccinations sont désormais gratuites pour tenter d'enrayer l'épidémie de cette maladie très contagieuse. Voilà un extrait du JT du 1er mars à propos du foyer épidémique de rougeole qui a touché Val Thorens en Savoie au début de l'année, Louise Rambert. Oui Mathieu, alors si la rougeole fait de nouveau parler d'elle ces jours-ci, c'est surtout à cause de la situation américaine. Les États-Unis connaissent en ce moment leur pire épidémie de rougeole depuis 2000, année où elle avait quand même été déclarée éliminée. Et même Donald Trump a insisté sur l'importance de la vaccination, c'est vous dire la situation. Mais en France aussi, la maladie court toujours. Les derniers chiffres de Santé publique France nous indiquent que depuis le 1er janvier, 633 cas de rougeole ont été déclarés. On est avec le professeur Odile Launay pour faire un point sur la situation. Bonjour. Bonjour. Vous êtes infectiologue à l'hôpital Cochin et responsable du centre d'investigation clinique Cochin Pasteur. Alors, les États-Unis s'inquiètent beaucoup, mais où est-ce qu'on en est, nous, en France, avec la rougeole? Est-ce que la situation est meilleure? Alors, les États-Unis s'inquiètent parce qu'en fait, ils avaient réussi à éliminer le virus, c'est-à-dire qu'il n'y avait plus de cas. En Europe, on n'a pas réussi jusqu'à présent à éliminer le virus, mais on avait quasiment plus de cas. Et puis, depuis 2007, la fin des années 2000, on est confronté à une résurgence de cette maladie, alors qu'elle avait quasiment disparu. Nous, on n'en avait jamais vu, donc les médecins ont du mal à faire le diagnostic. Et on a une première épidémie vers les années 2011. Et puis là, à nouveau, depuis 2017, ça fait à peu près 2 ans, qu'on a des épidémies avec des cas isolés, mais qui rapidement vont s'étendre et être responsables de plusieurs cas groupés. Donc ce sont des épidémies localisées, ce n'est pas une épidémie nationale? Alors, c'est des épidémies localisées, mais dans plusieurs départements en France. Donc, on peut quand même dire que c'est une épidémie nationale. Alors, il se passe quoi en 2007, excusez-moi, juste pour savoir ce qui a déclenché justement? On a eu en 2007 l'introduction de souches de virus de la rougeole, probablement par deux biais différents. Et ces virus ont été introduits dans une population qui n'était pas suffisamment immunisée vis-à-vis de ce virus et donc qui ont été responsables de la dissémination. Et ce qu'on sait, c'est qu'en fait, pour arrêter la circulation de ce virus, il faut une très forte proportion de la population immunisée, vaccinée, et plus de 95%, ce qui est un chiffre très important parce que c'est le virus qui est le plus contagieux en fait. Concrètement, qui est touché par la rougeole maintenant ? Alors, les gens qui sont touchés par la rougeole, ce sont les jeunes adultes qui n'ont pas été vaccinés. Et c'est aussi les jeunes enfants, c'est-à-dire principalement les enfants avant l'âge de 4 ans, mais plus spécifiquement les enfants avant l'âge de 1 an, parce que le vaccin ne peut être fait qu'à partir d'un an. Et qu'est-ce qui s'est passé avec les jeunes adultes? Dans les années 80, on a changé de manière de faire en termes de vaccination? Alors, on n'avait pas de vaccin jusqu'au début des années 80. Donc, c'était une maladie infantile qui était quasiment obligatoire quand on était enfant. On était quasiment toujours infecté par ce virus avec une morbidité, une mortalité qui était relativement importante, mais qu'on a oublié en fait aujourd'hui. Et puis, on a commencé à vacciner, mais avec finalement une couverture vaccinale qui n'est pas suffisante pour assurer une protection de l'ensemble de la population. Et en pratique, déclarer une rougeole quand on est grand ou quand on est petit, ça change quelque chose ? Alors les maladies sont plus graves quand elles surviennent plus tardivement dans la vie ou quand elles surviennent très précocement. Le dernier point où ça peut être compliqué, c'est les gens qui ont des fragilités, en particulier les gens qui ont un déficit immunitaire, une immunité des défenses qui marche moins bien. Et dans ces trois situations, les complications sont plus fréquentes. Alors quelles sont les complications ? Ce sont des complications respiratoires avec des risques de pneumopathie qui sont potentiellement sévères, et puis des complications neurologiques qui sont moins fréquentes, mais qui sont plus graves et qui sont responsables d'une mortalité relativement importante. On peut encore en mourir de la rougeole? Alors, on peut encore mourir de la rougeole. En France, l'année dernière, on a eu 3 décès de rougeole, 1 décès depuis le début de l'année, donc c'est évidemment pas énorme, mais c'est des décès qui devraient être évités avec la vaccination. Alors, vous le disiez, il faudrait que 95% de la population soit immunisée pour que finalement le groupe entier soit protégé. Comment ça fonctionne? Alors, l'idée, c'est que si on a une proportion de la population protégée, immunisée, vaccinée, eh bien, en fait, le virus ne trouve plus suffisamment de personnes réceptives qui peuvent contacter la maladie et ensuite la transmettre. Mais pour le virus de la rougeole, qui est donc ce virus extrêmement contagieux, qui se transmet par voie respiratoire, une seule personne peut contaminer 15 à 20 personnes. Donc on voit bien que ça peut disséminer de façon extrêmement rapide. Et donc si on veut éliminer complètement la circulation de ce virus, il faut que au moins 95% de la population ait été vaccinée et ait été vaccinée avec 2 doses de vaccin. Et en pratique, on n'est pas du tout à 95%. On n'est pas à 95%. Alors là, avec l'extension des obligations de vaccination des jeunes enfants, on a des couvertures vaccinales qui vont augmenter, qui ont déjà commencé à augmenter, puisqu'on a eu la semaine dernière les premiers chiffres qui montrent qu'on a une augmentation de la couverture vaccinale. Mais dans la population plus âgée, en particulier les plus grands enfants et les jeunes adultes, il faut vraiment qu'on soit vigilant et qu'on communique sur l'importance de cette vaccination. Et alors ces vaccinations manquantes, vraiment pour avoir un maillage vraiment effectif, ça vient d'où? C'est ces fameuses forces anti-vaccins dont on parle beaucoup qui expliquent le problème? Je pense qu'il n'y a pas forcément une sensibilité à cette infection puisqu'elle avait disparu. Donc la population n'était pas forcément très sensible à ce risque d'infection. Il y a effectivement des gens qui se posent des questions sur l'intérêt de la vaccination et sur la sécurité des vaccins. Mais je crois qu'il y a surtout des gens qui, finalement, ne vont pas forcément penser à vérifier le carnet de vaccination de leurs enfants ou, s'ils sont nés après 80 et qu'ils sont déjà adultes, à aller voir leur médecin en leur disant « est-ce que je dois ou pas me faire vacciner ?» Il y a une petite part de négligence aussi dans l'histoire. Il y a probablement une part de négligence. Il y a probablement aussi un manque d'informations. Donc je pense que communiquer et informer la population sur le risque d'une part de cette maladie et sur la possibilité d'être vacciné, c'est un point qui est très important aujourd'hui. Et vous le disiez, donc l'année dernière, il y a eu un grand changement. Les enfants nés à partir du 1er janvier 2018 doivent être vaccinés. Est-ce que c'est la garantie que ça va complètement disparaître du pays, la rougeole, ou c'est plus compliqué que ça? Alors, quand on aura une couverture vaccinale proche de 100%, ce qui va être obtenu avec l'obligation vaccinale, on aura une élimination. Mais l'OMS avait un projet d'éliminer cette maladie pour 2020, donc c'est on n'y est pas. Et avant que les enfants qui sont nés depuis le 1er janvier 2018, comme vous l'avez dit, donc qui en fait sont vaccinés à 1 an, donc c'est les enfants, on est juste au début de la vaccination obligatoire, ça va prendre un certain nombre d'années. Donc il ne faut pas attendre les bienfaits de cette obligation vaccinale, mais il faut réussir à convaincre les plus grands enfants, en tous les cas leurs parents, et puis les jeunes adultes de se faire vacciner. Merci beaucoup. Merci. Professeur Odile Lenay, infectiologue donc à l'hôpital Cochin. Merci beaucoup Héloïse, on se retrouve demain à la Une de la Science. À demain. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'aigle royal, chassé et vénéré par les cultures humaines depuis des milliers d'années, mais cette fascination aurait commencé bien avant l'homme moderne. Les Néandertaliens les chassaient déjà peut-être il y a 130 000 ans. Une équipe d'anthropologues a retrouvé des serres d'aigles royaux dans des sites préhistoriques néandertaliens. Les scientifiques ont noté de petites entailles dans ces serres, ce qui suggère qu'elles ont pu être attachées à un collier. L'étude qui est à retrouver dans la revue Quaternary Science Reviews laisse penser que Néandertal accordait une grande valeur symbolique à l'animal. Des chercheurs américains du MIT aux États-Unis ont mis au point un hydrogel capable d'agir comme les muscles du corps humain. Ils ont plongé leur hydrogel synthétique très riche en eau dans un bain-marie, l'ont soumis à un entraînement mécanique à force de stimulation. Les nanofibres composant le gel se sont alignées, se sont renforcées progressivement. Le matériau est alors devenu à la fois souple et résistant. Les scientifiques espèrent qu'à terme, il pourrait être utilisé dans le domaine médical, par exemple pour le remplacement de disques vertébraux ou de valves cardiaques. Ils envisagent aussi une utilisation en robotique. Et puis enfin, un mystère pour la science en Inde. Un petit village de l'état du Kerala, Kodini, assiste à une explosion du nombre de naissances de jumeaux. Sur une population de 11 000 habitants, le village compte en effet aujourd'hui 1000 jumeaux et le taux de natalité est en augmentation constante. Les scientifiques ne savent pas encore ce qui explique le phénomène qui a commencé dans les années 60. Mais selon une équipe de l'Université de Floride du Sud, l'explication la plus probable serait une mutation de l'ADN qui se transmettrait de génération en génération, peut-être suite à l'exposition des les habitants un facteur mutagène. Les scientifiques veulent réaliser des prélèvements de sang des villageois afin de faire la lumière sur cette question gémellaire. Allez, nous partons dans l'herbier du Muséum National d'Histoire Naturelle avec notre botaniste. I feel your love. I feel time is up. When I was a child, I never knew enough what that do to me. The wave of love is a transient hut. The water's the shell and I saw a hand arch out of the barrel. Look at all the peaches. How do you celebrate? You can't appear inside of nowhere. It's already day. I know you have the dove. I'm not. Show the favorite to the egg. I'm not getting let alone. Aldous Harding avec The Barrel à l'instant. La tête au carré, Mathieu Vidard. Botaniste, c'est donc un livre qui paraît chez Grasset, qui nous plonge dans les coulisses de l'herbier du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Et je suis avec les deux auteurs de cet ouvrage, Marc Janson, donc botaniste, agronome et responsable de cet herbier national, et Charlotte Fauve, ingénieur, paysagiste, journaliste, auteur de documentaires. Et vous allez répondre aux messages des auditeurs, aux questions qui arrivent déjà nombreuses sur le site de l'émission franceinter.fr et le mot-clé l'attaque. Marc Janson, qu'est-ce qui, à l'âge de 31 ans, hein, c'était ça, vous a permis justement de devenir le responsable de cet herbier national du muséum, véritable trésor dont vous rêviez, vous, c'était un but en soi ou pas? Ça, c'est une bonne question. Moi, je découvre le muséum, j'ai 24 ans, 23 ans, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que c'est un lieu auquel je dois beaucoup parce que bah, déjà, il y a de la botanique et il y a aussi beaucoup d'autres choses au muséum. C'est quand même un endroit absolument incroyable avec quasiment 65 millions de spécimens d'histoire naturelle qui sont conservés. Donc on a, comme on l'évoquait pour l'herbier, une sorte de juxtaposition de temporalité, de géographie, d'usage scientifique absolument extraordinaire. Mais c'est vrai que les postes sont rares. Donc j'avais pas forcément en tête de rejoindre l'herbier, mais mais quand le concours a été ouvert, encore une fois, on va être extrêmement fonctionnaire. Ouais. C'est vrai que l'opportunité était quand même absolument extraordinaire, parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'à la fois, c'est l'herbier le plus important au monde aujourd'hui, mais que c'est aussi un des herbiers les plus modernes, puisqu'on a bénéficié d'une rénovation extraordinaire, ouais, dont on parle d'ailleurs dans le livre, entre 2007 et 2013, hein, qui nous permet aujourd'hui d'avoir l'essentiel des spécimens. 6 millions sur les 8 millions de spécimens sont accessibles en ligne, ont été numérisés, mm-hmm, et donc c'est un outil magnifique pour développer quantité d'activités, ouais, de recherche. Donc il en reste 2 millions encore à numériser. Hein, il en reste encore 2 millions à numériser. Ce qui est un boulot de fou, quand même. Il faut imaginer ce que ça représente. Oui, absolument. Et les 2 millions qui restent à numériser, ce sont essentiellement les plantes que l'on dit non vasculaires, c'est-à-dire les lichens, les algues, les champignons, des plantes qui ont des formats un peu différents des, ouais, des conifères ou des plantes à fleurs, parce qu'on ne les conserve pas de la même façon. Donc il y a aussi un défi technologique et technique derrière pour arriver à mettre au point des structures qui nous permettent de les numériser, ouais, rapidement. Mais Charlotte Fauve, puisque vous avez été aussi observatrice finalement de ce métier, alors faire un herbier aujourd'hui à l'échelle d'un musée comme le Muséum National d'Histoire Naturelle, c'est quoi? C'est vraiment mettre des feuilles entre des pages de papier, ou c'est très différent de cela? Et vous savez, en fait, je pense que c'est ce qui est intéressant dans ces collections, c'est que c'est vraiment à la confluence de plusieurs époques. Et donc il y a à la fois des herbiers historiques, donc qui sont, on va dire, des tas de feuilles séchées avec cette senteur de papier, enfin très ancien. Ouais. Et puis en même temps, c'est un herbier extrêmement moderne, dans le sens où tout est numérisé, aujourd'hui accessible en ligne, et que ces différentes époques se vivent en même temps dans une seule collection. Ouais. Et dialogue, c'est-à-dire que par exemple, enfin, et Marc pourra sans doute abonder dans mon sens, c'est que sur un spécimen d'herbier, il y a maintenant plusieurs indications. Il y a des indications GPS et de multiples autres choses qui viennent documenter par-dessus parfois une collecte ancienne. Ouais, ça veut dire quoi, des indications GPS dans un herbier ? En fait, ce qui est très beau, c'est qu'il y a une technique de base qui n'a pas changé depuis le XVIe siècle, c'est-à-dire le geste de la cueillette, du pressage, du séchage, de l'attachage sur un morceau de papier de ces fragments végétaux que l'on collecte. Il est intemporel, depuis le XVIe siècle, en tout cas, il a très peu évolué. Par contre, aujourd'hui, évidemment, on n'est pas botaniste aujourd'hui comme on l'était il y a trois siècles, donc on va sur le terrain avec des outils modernes, évidemment, donc des GPS, des cartes très précises qui nous permettent de nous repérer, de naviguer beaucoup plus facilement qu'à l'époque. Donc il y a tout dans le corpus d'informations qui est associé à la collecte, puisque ce qu'il est important de comprendre, c'est que l'herbier, c'est à la fois, bien sûr, du matériel végétal séché, mais c'est aussi toutes les informations qui sont relatives à la collecte, et c'est la coexistence de ces informations avec le matériel végétal qui fait que cet herbier devient un outil scientifique, un objet sur lequel on peut développer des politiques de recherche, des activités de recherche. Et donc aujourd'hui, de façon très fréquente, on a à la fois la date de la collecte et le lieu, mais aussi très précisément la géolocalisation, ouais, de l'endroit où la plante a été collectée. Charlotte Fauve. Et donc c'est aussi ce qui nous a permis, ce qui a été une aide dans l'écriture du livre, c'est que finalement, qu'il y ait un même geste de collecte, c'est quelque chose qui permet une base, on va dire, en termes de juxtaposition des différents temps. C'est-à-dire qu'un botaniste, aujourd'hui, voyage toujours en compagnie des fantômes de ses prédécesseurs. Ouais. Donc, il fait les mêmes gestes. Et en plus, ses collectes viennent finalement compléter ces collectes anciennes qui sont en permanence sur le terrain. Et ce qui est assez beau avec les aventures de Marc, c'est finalement, on a pu les faire dialoguer avec celles d'Adanson, avec celles de Lamarque, de Poivre, et d'une multitude, ouais, aussi de collecteurs complètement oubliés. Alors ça, c'est ceux que vous appelez effectivement les fantômes, et puis il y a aussi ceux qu'on pourrait appeler les mémoires, hein, de cet herbier, comme Monsieur Émonin Gérard Guy, de son prénom, et on va entendre sa voix tout de suite. Qui est-il d'abord, Marc Janson, pour le situer dans... Gérard Guy Émonin, il était professeur au muséum, il a arpenté le muséum depuis ses très jeunes années, et ouais, il était professeur de botanique à l'herbier lorsque je suis arrivé en 2004. Voilà, on va l'écouter, entendre sa voix sur ce travail en particulier, et puis il va nous parler d'une espèce aussi juste après. La conservation d'une plante dans un herbier permet d'authentifier une plante. Si elle n'existe pas en herbier, on peut toujours avoir des doutes. Il peut y avoir une erreur d'identification quand la personne est passée sur le terrain. Ça permet la comparaison quand on récolte quelque chose qu'on croit nouveau. On va le comparer avec les collections anciennes, de France ou d'ailleurs, et si vraiment on ne trouve rien qui ressemble, on va décrire la nouvelle espèce. C'est quelquefois très important parce que cette nouvelle espèce, elle a pu être connue de populations autochtones de l'autre bout du monde, très anciennement, et servir comme plante médicinale et qui n'a jamais servi dans aucune autre société que celle où la plante vivait. Pour donner une petite image de l'intérêt des récoltes anciennes, il y a une plante dont on a beaucoup parlé dans les 30 dernières années qui s'appelle la pervenche de Madagascar. Savez-vous à quand elle a été récoltée pour la première fois ? Un peu avant 1655, et on l'a en herbier ici. On savait que c'était une plante de famille extrêmement importante au point de vue médicinal pour les luttes anti-leucémiques, anticancéreuses, etc. Ce n'est que dans les années 1950 que l'on a commencé à s'y intéresser. Donc l'herbier nous apporte la preuve de l'existence. Voilà, Gérard Guy Émonin, une des mémoires de l'herbier national du Muséum national d'histoire naturelle. Marc Janson, Charlotte Fauve, je vous voyais sourire avec tendresse en entendant justement la voix de Gérard Guy Émonin. Et émotion, oui, parce que Monsieur Émonin, je lui dois beaucoup, je dois beaucoup à beaucoup de gens, mais peut-être à lui en particulier, puisque c'est grâce à lui que j'ai découvert ce monde des herbiers. C'est un peu le dernier modèle qui avait cette vision très générale de la botanique, c'est-à-dire à la fois les herbiers, mais aussi cueillir des plantes fraîches pour faire des ateliers de détermination, c'est-à-dire apprendre aux étudiants, aux collègues, comment on arrive à donner un nom à une plante, quelles sont les parties des plantes qu'il faut regarder, tout le vocabulaire associé. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup marqué mon arrivée au muséum et mon arrivée à l'herbier. Charlotte Fauve. Ben c'est extrêmement émouvant, mais c'est vrai qu'en fait, c'est ceux qu'on surnomme sympathiquement avec Marc les vieux du muséum, et qui sont finalement des preuves de cette concordance des temps, à la fois de la montre à gousset, et puis en même temps de l'arrivée de l'ADN, et puis ensuite de cette fantastique progression de numérisation, d'accessibilité des spécimens d'herbier. Donc. On verra d'ailleurs avec vous que la découverte de la double hélice de l'ADN a complètement changé aussi la façon de travailler autour des plantes. Alors, il y a plein de questions pour vous. Claire demande d'abord, peut-on visiter l'herbier ? Alors ça, oui. Oui, on peut visiter la galerie de botanique, qui est la partie publique, qui a aussi été réouverte en 2013 grâce à la rénovation. Par contre, l'herbier en tant que tel est une collection scientifique qui est accessible, mais sur demande et en général réservée à un public averti de chercheurs ou d'experts divers. Bon, on peut tenter en tout cas la démarche pour ceux qui s'y intéressent, mais c'est vrai que c'est pas un musée en tant que tel, en tout cas, à visiter. C'est un musée, mais un musée un petit peu particulier, puisque c'est pas forcément un endroit qui... Conserver 8 millions de spécimens dans un bâtiment qui a forcément des limites physiques, ça implique de limiter les espaces disponibles et accessibles, ce qui fait que c'est pas tellement compatible avec une arrivée de public importante. J'en demande, est-ce qu'il vous arrive de prêter des herbiers à d'autres muséums dans le cadre justement de vos travaux scientifiques ? Absolument. Nombreux chercheurs, nombreux collègues viennent travailler sur nos collections tous les ans. Il y a des centaines de personnes qui viennent nous rendre visite et quand c'est impossible, pour une raison ou pour une autre, eh bien on envoie des spécimens à l'étranger, tout comme nous demandons à des collègues, à des institutions étrangères de nous envoyer du matériel pour nos études. Charlotte Fauve, ça ressemble à quoi finalement l'herbier du Muséum National ? Ce sont de grandes armoires métalliques solidement verrouillées ? Comment répondre à cette question facilement ? En fait, c'est vrai que c'est des armoires qu'on appelle compactus, qu'on peut ouvrir à manivelle, qui sont à l'intérieur d'un jaune, d'un très beau jaune bouton d'or. Et à l'intérieur, il y a des liasses et des liasses dans des chemises de couleur. C'est une vision assez émouvante de voir ça, parce que c'est vrai que c'est un arc-en-ciel, en fait. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai senti. Après, peut-être quand on est en compagnonnage en permanence avec ces spécimens, comme Marc, on en a une autre vision, mais c'est vrai que c'est assez beau. Ouais, et tout ça est évidemment hyper sécurisé, j'imagine. Oui, parce que c'est un trésor. C'est un trésor, et puis il y a évidemment des conditions de conservation. En cela, nous sommes un musée. Le cœur de nos métiers, c'est évidemment de conserver tout ce patrimoine pour le transmettre aussi aux générations futures. Donc ça implique d'avoir des conditions de conservation appropriées et des mesures de sécurité, incendie, etc. évidemment modernes aujourd'hui. Allez, on va revenir sur la trace des fantômes justement avec vous dans un instant. Le botaniste paraît chez Grasset. Jacobi avait dit, c'est fini, j'en ai marre, mercredi je pars. Dans le ciel indécis flottait de gros nuages gris, pourtant Jacobi est parti marcher. De midi à minuit, marcher, à tout jamais, marcher. Jacobi marchait. Les premières gouttes sont tombées sur la route, et puis la pluie a redoublé. Coûte que coûte, Jacobi continuait pas à pas à avancer. Du nord à l'est, du sud à l'ouest, Jacobi cherchait au paradis un un coin à l'abri avec un lit, un bol de riz. Jacobi disait, ça me suffit, marcher de midi à minuit, marcher à tout jamais, marcher. Jacobi marchait. A changé d'avis, peut-être qu'il avait compris ou bien il n'en pouvait plus. Jacobi est revenu, il a appelé Ellie, son meilleur ami, à qui il a dit, j'entendais une sonnerie qui faisait battre mon cœur à l'infini. C'était vraiment très fort, je devais dire oui, pourtant je me demande encore ce qui m'a pris. Marcher de midi à minuit, marcher à tout jamais, marcher. Jacobi marchait. Jacobi marchait. Charles-Élie Couture. La tête au carré. Sur France Inter. L'histoire des arbres est liée à l'origine du monde. L'origine des hommes est liée à l'histoire des arbres. Séquoia. Arbre à la peau rouge et au nom de chef indien. Arbre géant dont la puissance engendre le mystère. 32 mètres de circonférence. 112 mètres de haut. 1400 mètres cubes. 5500 tonnes. Et près de 3000 ans. La voix de Michel Bouquet dans ce film, donc Arbre de Sophie Bruneau et Marc-Antoine Roudil, pour parler à l'instant donc du séquoia, et avec nos invités Marc Janson, botaniste, et Charlotte Fauve, journaliste pour ce livre donc botaniste chez Grasset. Justement, Marc Janson, il y a une question de Paul sur le site de l'émission qui demande si la botanique concerne l'étude des plantes sauvages, mais également celle des arbres et des arbustes. Vous, dans le cadre de votre métier, alors? Alors, en général, les botanistes ont des spécialités. C'est-à-dire qu'en général, on est spécialiste d'un groupe de plantes. Ça peut être d'une famille, si c'est une toute petite famille. En général, c'est quelques genres et un ensemble d'espèces. Mais ça concerne aussi bien des plantes herbacées, des bégonias, par exemple, que des arbres ou des arbustes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le muséum se focalise essentiellement sur la biodiversité sauvage. C'est-à-dire que l'essentiel des collectes vient de milieux sauvages. Alors après, on peut se questionner ensemble sur le degré de sauvage. Donc il y a des arbres sauvages, il y a des arbustes sauvages. Ouais. Ce qu'on va laisser un petit peu de côté, c'est ce qui vient des jardins. Ce sont toutes les espèces cultivées. Il n'en a pas toujours été ainsi. Hein. On évoque dans le livre d'ailleurs une conception botanique beaucoup plus large au 18e par exemple, ou même au 19e. Aujourd'hui, c'est vrai que ce concept de botaniste, en tout cas de taxonomiste, systématicien, ceux qui s'attachent à décrire le vivant et à décrire les êtres vivants, aujourd'hui au muséum, se cantonnent essentiellement à la biodiversité sauvage. Ouais. Vous, votre spécialité, ce sont les palmiers, c'est ça alors ? C'est un petit groupe, une tribu de palmiers d'Asie du Sud-Est. Ouais. Cette passion, elle vient d'où ? Alors comment justement, dans ce foisonnement végétal, à un moment, on se concentre sur ces espèces-là en particulier ? Parce qu'on ne peut pas... Aujourd'hui, on décrit environ entre 350 et 400 000 espèces de plantes vasculaires, c'est-à-dire des plantes qui ont en leur sein des vaisseaux qui permettent de conduire les sèves. Donc ça va être par exemple les conifères, les plantes à fleurs. Évidemment, il est impossible à l'échelle humaine de pouvoir travailler, décrire, connaître intimement vraiment l'ensemble de ces végétaux. Donc ça passe par un choix obligatoire, une spécialisation dans un groupe de plantes données, parce que pouvoir les comprendre, ça prend beaucoup de temps, faut aller sur le terrain, faut les étudier dans les herbiers, et ça implique obligatoirement de se cantonner à un petit groupe. Ouais. Charlotte Four, oui, absolument. Oui, juste, je voulais surenchérir sur ce que disait Marc. En fait, ce qui était aussi intéressant dans ce livre, c'est que finalement, on voit que le botaniste s'intéresse à la fois à la toute petite plante, c'est-à-dire à la violette, mais en même temps à des espèces qu'on n'imaginerait jamais être en herbier. Donc, par exemple, les palmiers de Marc, ouais. Donc cette tribu de palmiers d'Asie du Sud-Est, qui du coup demande des challenges sur le terrain quand même extrêmement particuliers pour arriver à faire finalement exister ces spécimens de très grande taille sur une feuille de papier finalement de 40 cm, c'est ça ? 30 cm sur 40. Comment on donne son nom d'ailleurs à une espèce que l'on découvre, ce qui a été votre cas, Marc Janson, et au point même de donner votre nom à une espèce de palmier ? Alors, c'est pas exactement ça. En fait, quand on découvre une espèce nouvelle, il faut d'abord savoir qu'on en découvre énormément dans les herbiers, puisque ces lieux sont aussi des dépositoires de toutes ces plantes qui ont été collectées à une époque et pas forcément connues. Donc on découvre quantité d'espèces nouvelles à partir des herbiers, et l'étape de baptême, en quelque sorte, d'une espèce, ça implique ce qu'on va appeler un auteur, c'est-à-dire il y a un botaniste qui va créer ce nom et qui va décrire cette espèce. Donc c'est ce qu'on appelle le nom d'auteur, mais le nom d'auteur n'est pas forcément le nom que l'on va donner à la plante, c'est même en général pas le cas. Il y a que Linné, par exemple, qui s'est décrit à lui-même la petite Linné boréale, mais en général on va choisir un nom qui est différent du nôtre. On sera auteur d'un nom d'espèce qui ne portera pas forcément notre nom. Et ce palmier, alors, en particulier, alors, découvert dans le Bronx? Ce palmier, découvert au cœur du Bronx, à New York, dans les herbiers, des herbiers que j'avais fait venir d'autres institutions. On évoquait tout à l'heure les prêts sont essentiels, donc j'avais fait venir des collections comme tout le monde le fait quand on a la chance de faire ce métier, de Leiden, notamment, des Pays-Bas, et de Kew Gardens, à Londres, et effectivement, parmi tous les spécimens qui m'ont été envoyés, se cachait une espèce qui jusque-là n'était pas décrite. Charlotte Fauve, est-ce qu'on dispose de beaucoup de documents historiques, justement, à la fois sur l'histoire, sur ces fantômes, sur le métier de botaniste, il y a quelques décennies, voire quelques siècles? Alors, effectivement, pour faire ce livre, c'est vrai qu'avec Marc, on a dû défricher un corpus de textes assez immense. Ouais. Parce que justement, en fait, ce qui nous intéressait aussi, c'était de faire revivre ces aventures, donc des prédécesseurs. Et dans ces cas-là, effectivement, on tombe sur énormément de textes, de correspondances, puisqu'à un moment, à la grande époque de la botanique, c'est-à-dire au 18e, les savants étaient en réseau, donc ils s'envoyaient énormément de lettres. Enfin, c'était une effervescence telle qu'effectivement, lorsqu'on décide de faire un ouvrage en hommage à tout cet univers, on tombe sur énormément de choses. Ouais. Alors, des fantômes au masculin, il y en a beaucoup, mais justement, des femmes botanistes, est-ce que vous en avez trouvé également beaucoup au cours de l'histoire? Alors, c'est vrai que le problème de toute histoire scientifique, c'est qu'effectivement, il y a les invisibles aussi des histoires scientifiques. Et la quête du vivant a été une histoire universelle, mais où il y a des oubliés, c'est-à-dire qu'ils sont les femmes qui étaient souvent bénévoles ou qui n'avaient pas le droit d'embarquer sur les navires. Ouais. Il y avait aussi ceux qu'on appelait les nègres à l'époque, donc qui étaient effectivement des esclaves ou des populations locales qui avaient un savoir sur les plantes mais qui n'étaient pas nécessairement reconnus. Il y a aussi eu des collecteurs anonymes. Donc en fait, il y a eu énormément de gens qui ont participé à cette histoire collective. Et quelques grands noms qui restent aujourd'hui, comme Linné, comme Pierre Poivre, comme Lamarck. Mais en fait, c'est une histoire collective qui regroupe beaucoup d'êtres et de plantes. Ouais. Marc Janson, c'est compliqué finalement, parce qu'il y a beaucoup d'anonymes qui ont contribué aussi à la connaissance. Tout à fait, et ce livre a été aussi un défi et parfois même, disons-le, difficile à dire, puisqu'une partie de ce livre s'écrit au jeu, à la première personne du singulier. Ouais. C'est un choix qu'on a fait, c'est Charlotte qui a eu cette idée, et je l'en remercie, parce que je pense que ça permet d'avoir cet ancrage temporel dans le passé, mais aussi dans le présent, et avoir une sorte de passeur dans ce livre qui est là pour transmettre toutes ces géographies, toutes ces histoires qui pourraient être difficiles à présenter séparément. Mais c'est vrai que l'hommage, il se veut aussi hommage à la collection, mais hommage aux botanistes, parce que souvent, il s'efface par rapport à cette œuvre collective, ce travail collectif, cette collection collective, et le collectif est essentiel dans les activités scientifiques. Alors si chacun, je vous demande justement de nous parler d'un fantôme en particulier de cette histoire, lequel vous retenez, Charlotte Fauve, par exemple? Moi, je pense que je retiens Adanson, peut-être parce que c'est celui qui m'a le plus ému. Donc, Adanson, c'est un. C'est pas le plus connu. Hein. C'est pas le plus connu. Donc, c'est un jeune envoyé du muséum qui s'embarque pour l'Afrique de l'Ouest à une époque où finalement la zone torride est encore extrêmement peu visitée. Donc, ouais. Il y a toutes ces croyances où on s'imagine que le cerveau peut bouillir lorsqu'on met, enfin, le pied là-bas. Et c'est vrai qu'en fait, ce botaniste est extrêmement intéressant. Parce que justement, donc, il a le courage de s'embarquer. Il tombe sur une flore tropicale foisonnante, donc qui va mettre finalement en brèche toutes ses idées sur ce que c'est que la flore. Et puis aussi, il s'intéresse énormément donc aux populations, c'est-à-dire qu'il veut nommer les plantes en wolof, donc qui est la langue donc là-bas de nombreuses tribus des Bambara. Et le fait de se dire ah ben tiens pourquoi forcément le latin et pourquoi pas une autre langue pour nommer ces plantes, c'est extrêmement beau. Marc Janson, de votre côté, alors, s'il fallait retenir un nom qui vraiment, pour vous, a un sens et raconte quelque chose de particulier? Puisque c'est un fantôme, alors on évacuera les contemporains et on parlera peut-être de Monsieur Schmitt, qui a quitté ce monde pendant la rédaction de l'ouvrage. Monsieur Schmitt, c'est ce qu'on appelle les vieux, effectivement, il en fait partie. Et ce qui est très beau dans ce personnage de Monsieur Schmitt, c'est que c'était un grand botaniste et il a connu une époque qui était l'époque coloniale, dont on ne fait pas l'apologie dans le livre. Mais qui est une réalité aussi. Mais hein, qui est une réalité et qui a permis un enrichissement des collections d'une façon absolument vertigineuse. Et ce qui était très beau, c'est que Monsieur Schmitt, c'est un petit peu l'exemple de tous ces bouleversements qu'a subi la nature de ces dernières décennies. Et Monsieur Schmitt, il a connu, quand il avait 20 ans, en Côte d'Ivoire notamment, des paysages, des environnements, des plantes, des forêts, qui n'ont absolument rien à voir avec ce que l'on peut rencontrer aujourd'hui. Donc il y a aussi toute cette force que l'herbier nous apporte en étant un témoin absolument unique, essentiel, de l'existence de ces flores du passé. Et celle du présent aussi, bien sûr. Alors on parle tellement de cette sixième extinction, on va en discuter avec vous dans un instant. Et puis d'autres questions des auditeurs sur franceinter.fr. canine. C'était bienveillance. La tête au carré. Marc Janson, Charlotte Fauve sont mes invités cet après-midi et ils sont les auteurs donc à quatre mains de ce livre Botaniste aux éditions Grasset. Comment est-ce que vous êtes répartis les rôles d'ailleurs, Charlotte Fauve? On a été complémentaires. Je pense Marc est un vrai botaniste de chair, de corps et d'esprit, comme on pourrait dire à l'époque, qui a insufflé son savoir et ses expériences. Et puis moi, je me suis beaucoup baladée dans les textes anciens et voilà. Et ensuite, ben on a fonctionné par aller-retour. Enfin voilà, beaucoup de soirées à travailler côte à côte, Charlotte a beaucoup travaillé sur la structuration aussi, parce qu'en fait c'était extrêmement difficile de ne pas refaire quelque chose qui existait déjà, c'est-à-dire une série de portraits par exemple, ou une histoire au sens classique du terme. Nous ne sommes historiens ni l'un ni l'autre. Et donc elle a eu vraiment cette idée de formuler un texte qui puisse embarquer le grand public, puisque le but de cet ouvrage c'est que effectivement l'herbier n'est pas ouvert au grand public, donc c'est de donner la possibilité au grand public de s'emparer d'une partie de la richesse, de toutes les dimensions que peut avoir une collection comme celle-ci, mais d'une façon qui soit accessible et engageante et stimulante. Et c'est un récit qui touche, parce qu'il est tout à fait contemporain là aussi, eu égard évidemment à toutes ces problématiques dont on parle à longueur de journée, et particulièrement cette semaine autour de la biodiversité, alors animale mais aussi végétale. Alors le végétal, comme d'habitude, il est souvent mis au dernier rang de cette biodiversité. Et regardez les journaux, évidemment, on parle des orang-outans, des éléphants, et tant mieux, hein, bien sûr. Mais les plantes sont aussi en danger. La biodiversité, c'est aussi essentiellement les plantes, puisque si on enlève les plantes, les animaux et nous-mêmes, évidemment, vont avoir de gros problèmes. Donc, ça permet aussi de parler de cette espèce les anglo-saxons appellent ça plant blindness, l'invisibilité au végétal, dont on souffre, je crois, beaucoup encore aujourd'hui. Mais quelle peut être, justement, l'utilité, pardon d'employer ce mot, mais d'un herbier aussi dans le cadre des problématiques autour de la biodiversité aujourd'hui? Eh bien, c'est la mémoire de la planète, c'est-à-dire que ça nous permet de comprendre ce qui a existé hier, ce qui se passe aujourd'hui, et potentiellement aussi de nous aider à mieux comprendre et éventuellement à résoudre certains problèmes dans le futur. On parlait de Lamarck tout à l'heure ou d'Adanson. À leur époque, au XVIIIe siècle, quand on faisait un herbier, il était hors de question qu'on puisse imaginer en extraire de l'ADN un jour. Et évidemment, ce sont des choses que l'on peut faire aujourd'hui. Donc il y a aussi tous ces possibles qui sont extraordinaires, parce qu'au muséum, vous avez l'herbier, mais vous avez aussi tous ces millions d'autres spécimens qui ont trait à tout ce que la nature peut produire, en géologie, en minéralogie, en zoologie, les sciences de l'homme. Et on est vraiment au muséum, en tout cas sur un site qui, pour moi, est vraiment le creuset de toutes les interrogations contemporaines. Charlotte Fauve, il y a aussi ce caractère d'urgence qu'on ressent bien aussi dans ce travail, dans son inventaire, dans la description justement des espèces qui, pour certaines, disparaissent avant même quasiment d'arriver à l'herbier. Oui, effectivement, c'est vrai qu'avec c'est ce qu'on appelle cette sixième extinction du vivant, il y a, comme vous l'avez justement souligné, des espèces qui disparaissent avant même d'être découvertes. Mais je pense qu'aussi, lorsqu'on parle de sixième extinction du vivant, il y a aussi une invitation, enfin en tout cas je pense que ce livre, c'est ça, c'est une invitation au regard, c'est-à-dire à pas oublier toutes ces plantes qui nous entourent et qui finalement se cachent sous un terme de biodiversité et qui effacent un petit peu aussi leurs spécificités. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'avec Marc, en tout cas, on a tenu à souligner finalement cette présence jusque sur les trottoirs des grandes villes, c'est-à-dire qu'en ayant l'œil, on peut voir des choses extraordinaires sur un mur parisien, quantité de mousse et tout. Donc, Marc Janson. Oui, pour faire un écho à ce que disait Monsieur Aymonin tout à l'heure, effectivement, l'herbier est essentiel parce que sans lui, eh bien, il y a impossibilité de nommer le vivant. Et peut-être que ce qui explique un regard peut-être un peu plus bienveillant aujourd'hui sur ces sciences qui pendant longtemps ont été un peu considérées comme poussiéreuses, toutes ces collections d'herbiers, etc., c'est qu'aujourd'hui, on ne parle que de conservation de la nature. Mais avant de conserver la nature, il faut d'abord savoir ce que l'on conserve. Et pour savoir ce que l'on conserve, il faut évidemment le nommer. Et tout ça, ça passe toujours par ce socle inévitable que sont les collections d'histoire naturelle. Mais vous êtes assez nombreux au muséum pour nommer justement tout cela? On ne souffrirait pas de renforts supplémentaires, on ne souffrirait pas de formation plus active, on ne souffrirait pas, certains l'appellent de leur vœu, comme Edward Wilson, qui est le père de ce concept de biodiversité, qui nous dit que le grand défi du 21e siècle, c'est de finir la description du vivant. Il faut savoir qu'on ne connaît aujourd'hui que 10 à 15% du vivant qui nous entoure. L'immense continent inconnu, il est vraiment devant nous, et il n'y a peut-être jamais eu autant d'urgence à travailler à sa description qu'aujourd'hui. Mais la majeure partie de ce qui pousse sur la planète est documentée aujourd'hui dans l'herbier? de ce qui pousse en termes de plantes, vous voulez dire? Ouais. Oui, au niveau des plantes, on est à beaucoup plus que 10 à 15%. Ouais. Mais on décrit encore chaque année des centaines et des centaines de nouvelles espèces de plantes. Dans un pays comme la Colombie, par exemple, on décrit plusieurs centaines d'espèces par an en moyenne. Anne demande sur franceinter.fr, comment faites-vous pour éviter les insectes dans les planches de l'herbier? J'ai vu celui de ma sœur dévoré dans mon enfance, mettant des insecticides. Alors pendant très longtemps, lierre pour évacuer les insectes, on trempait les spécimens dans des sels de mercure ou de cyanure. Ouais, aujourd'hui, on ne pratique plus ainsi. Jusqu'il y a encore assez peu de temps, jusqu'à la rénovation de l'herbier, on faisait des fumigations curatives et préventives, fumigations d'insecticides. Ouais. Aujourd'hui, la rénovation nous a permis d'avancer sur ces thématiques-là également. Et aujourd'hui, on passe par le froid, c'est-à-dire qu'on a un traitement en chambre froide qui permet d'éliminer les insectes. Et ensuite, il y a une sorte de veille grâce à des pièges qui sont installés dans les salles. Mais le meilleur remède contre les insectes, c'est l'œil humain, c'est la consultation de ces collections, c'est se promener en leur sein pour détecter les éventuels insectes. Patrice demande, les botanistes en herbe qui veulent devenir professionnels sont-ils obligés de toujours en passer par le célèbre guide de Gaston Bonnier? Est-ce que vous l'avez eu entre les mains, Charlotte Faux, oui, pour l'écriture de ce livre? Oui, c'est quand même le best-seller lorsqu'on s'intéresse à la botanique. Mais alors, au niveau de cette question, je pense que Marc est peut-être plus à même de répondre que moi, mais en tout cas, je pense que il y a une multitude aujourd'hui de supports qui peuvent complémenter la flore Bonnier telle qu'on s'imagine et qui aussi d'applications maintenant qui permettent de rendre la flore accessible à tous. Et puis n'oublions pas qu'il y a eu une nouvelle flore de France publiée il y a 2 ans, la Flora Gallica, qui a été malheureusement assez peu évoquée dans les médias, mais c'est quand même un grand événement. L'herbier du 21e siècle, alors c'est quoi exactement aujourd'hui? L'herbier du 21e siècle, c'est un herbier que l'on numérise. Le muséum a développé de grands efforts reconnus pour la numérisation des collections. Et c'est un herbier qui continue à s'enrichir, puisque si on arrête ce fil temporel qui on a tissé, comme le disait Charlotte tout à l'heure, depuis à peu près 3 siècles et demi, toute la valeur de documentation des changements, toutes ces analyses diachroniques, comparées l'aujourd'hui à l'hier d'il y a 2 ou 3 siècles, s'arrêtent. Donc c'est une collection qui obligatoirement doit continuer à s'enrichir malgré ces problèmes administratifs ou ces problèmes d'effectifs qu'on évoquait tout à l'heure. Et vous montrez aussi que la vision de la plante a toujours été bouleversée en profondeur par les grandes découvertes scientifiques. On parlait de l'ADN tout à l'heure, mais ça a complètement bouleversé la façon de voir la plante, hein. Exactement. Et puis avant ça, il y a eu par exemple la découverte de la sexualité des plantes, c'est-à-dire comment voit-on le monde lorsque soudain on découvre que les fleurs ont un sexe soit mâle, soit femelle, et que l'ADN finalement a bouleversé non seulement la vision du monde, mais aussi la recherche, puisqu'il a fallu reclasser l'herbier différemment sur processus qui s'appelle l'APG3 en fait, qui a une autre méthode de classement. Et donc du coup qui a entraîné aussi un certain nombre de chambardements au sein même de l'herbier. Et vous le décrivez parfaitement justement dans cet ouvrage. Daniel, dernière question, demande si la disparition des herboristes est dommageable pour les botanistes, Marc Janchon. Je dirais plutôt l'inverse, c'est-à-dire que je pense que pour être herboriste, un bon herboriste doit être capable d'identifier les plantes précisément, et c'est vrai qu'une perte de savoir botanique en général, une perte de savoir par rapport à la façon dont on nomme les plantes et comment on les regarde, est probablement dommageable aussi aux herboristes. Mais les herboristes ont aussi la vertu pour certains de collecter les plantes en milieu naturel et donc d'être de très bons relais par rapport à l'évolution de la flore même dans nos plaines et nos forêts françaises. Voilà, donc cet ouvrage s'appelle Botaniste tout simplement, mais c'est tout à fait passionnant et efficace, et c'est aux éditions Grasset. Vous signez donc ce livre, Marc Janchon et Charlotte Fauve. Est-ce que vous partez bientôt en pérégrination? Je pars en Guyane, mais il y aura très peu de collecte effectuée à cette occasion. Ouais, en tout cas, il y a quelques descriptions dans le livre qui valent le détour, avec Patrick Blanc en particulier. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus aujourd'hui dans la Tête au Carré, et bravo pour le succès de cet ouvrage. Merci. France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne. Attention, je vais piquer. Dominique, bonjour. Bonjour Mathieu. Vous souhaitez nous parler aujourd'hui de la crise de la reproductibilité, mais qu'est-ce donc? Eh bien Mathieu, le principe d'une publication en sciences expérimentales, c'est de décrire une hypothèse, puis un protocole d'expérience, et puis d'exposer les résultats obtenus. La description du protocole doit être suffisamment précise pour qu'une autre équipe puisse refaire l'expérience afin de confirmer le résultat. Ouais, bon, ça paraît logique en effet, mais pourquoi parler de crise exactement? Eh bien parce que malheureusement, très souvent, ça ne marche pas. Une autre équipe refait l'expérience à l'identique, mais ne parvient pas à reproduire le résultat intéressant qui a justifié la publication initiale. D'où ce concept de crise de la reproductibilité. Bon alors c'est quoi? C'est de la fraude tout simplement ou pas? Ah Mathieu, vous avez lâché le mot qui fâche et qui n'est quasiment jamais prononcé, comme lapin sur un bateau ou corruption dans un congrès politique. Oui, cette crise de reproductibilité est un euphémisme car l'envie de réussir fausse parfois le jugement des chercheurs. D'ailleurs, parmi les facteurs favorisant cette non-reproductibilité, on retrouve ceux de la fraude scientifique en général, à savoir eh bien, la compétition entre chercheurs sur des sujets chauds ou les domaines de recherche à fort potentiel commercial. Bref, cette crise est surtout liée aux faiblesses humaines qui n'épargnent pas les scientifiques. Mais pourquoi nous en parler aujourd'hui, cher Dominique ? Eh bien, à cause d'une publication récente signalée sur l'excellent blog de mon confrère Hervé Maisonneuve. Ses auteurs sont chercheurs dans un laboratoire pharmaceutique et ils décrivent leurs difficultés à reproduire des expériences publiées par des universitaires. Alors, en effet, les départements de recherche industrielle souhaitent éviter de partir sur des fausses pistes qui leur coûteraient des fortunes. Et leurs chercheurs maison commencent donc par tenter de reproduire les expériences prometteuses publiées par des universitaires. Or, c'est souvent impossible. Et donc, dans cet article, ce sont les vilains chercheurs de la méchante industrie qui donnent des leçons de rigueur aux gentils universitaires désintéressés. Je trouve ça plutôt marrant. Alors, tout ça se rédige à mots feutrés. Ces chercheurs industriels parlent de manque de robustesse des résultats plutôt que de probables bidouilles. Mais si on sait lire entre les lignes, c'est assez savoureux. Et cela nous renvoie à un chef-d'œuvre d'humour qui est justement un guide de traduction des publications scientifiques dont voici quelques extraits. Alors, si vous lisez, par exemple, « La souris DZB nous a paru la plus adaptée pour tester notre hypothèse. Il faut comprendre, en fait, c'est un lot qui nous restait d'une expérience précédente. Si vous lisez, trois cas ont été choisis au hasard pour l'analyse finale. Comprenez, les autres ont donné des résultats incohérents et les a balancés. Enfin, si vous lisez à propos du composé employé haute pureté, très haute pureté, ultra pure, comprenez, composition inconnue, mis à part les prétentions exagérées du fournisseur. Et donc, il ne faut pas toujours prendre pour acquis tout ce qui se publie, loin de là, et garder un esprit critique affûté lorsqu'on lit des résultats surprenants. Et vous êtes là pour ça, justement. Exactement. Dominique, et ça nous est bien utile. Merci beaucoup à vous, Santé Polémique, donc c'est à réécouter comme tous les mardis sur franceinter.fr. Ainsi s'achève aujourd'hui notre tête au carré. Merci à Pierre-Yves Dorolin qui était à la technique et Thierry Dupin également pour la programmation musicale de l'émission. N'oubliez pas également le podcast si vous souhaitez retrouver des dossiers que vous avez manqués. C'est bien sûr franceinter.fr pour vous abonner.